Bon samedi, à l'écoute de France Culture, nous retrouvons Vincent Charpentier. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Il y a environ 4 millions d'années, l'histoire aurait pu très mal commencer. Il faut dire que l'animal était plutôt chétif, sans griffes ni crocs. Pas très rapide, et d'ailleurs plus d'un, s'est fait mordre, broyer, mâcher, boulotter. Dans cette bataille perdue d'avance, dans cette histoire toute naturelle, où la sélection est la seule règle, l'animal était toutefois un peu futé. Rompant les tables des lois biologiques et du déterminisme naturel, comment ce bipède forestier est-il devenu ce que nous sommes? Désormais, loin des arbres de la forêt primaire, maître du monde, le bipède qui a marché sur la Lune. Protagoras, philosophe présocratique du 5e siècle avant notre ère, en donne une belle explication mythologique. Voici Prométhée, chargé par Zeus de distribuer sur Terre les puissances entre tous les êtres vivants. Distribution faite, celui-ci s'aperçoit que l'homme, nu, sans chaussures, sans couverture, sans armes, a été oublié. Bien entendu, Prométhée vole alors le feu, mais surtout le savoir technique. À la croisée de l'archéologie et de la philosophie, le magazine d'archéologie de France Culture tentera ce soir de répondre à une question. La préhistoire nous offre-t-elle les clés de nous-mêmes? Avec Marcelotte, bonsoir. Bonsoir Vincent. Merci d'être en direct et en ligne de Belgique ce soir, Marcelotte, préhistorien, paléo-anthropologue, habitué du magazine d'archéologie de France Culture. Vous êtes professeur de préhistoire à l'Université de Liège et publié « Sommes-nous si différents des hommes préhistoriques ?» aux éditions Odile Jacob. Avant de débuter cette émission, évoquons la redécouverte de cette grande conque marine dans la grotte de Marsoulas et publiée cette semaine dans Science Advance avec Karl Fritz du CNRS en premier auteur. Une conque, donc, venue du fond des âges. On écoute. Je suis certain que les auditeurs n'ont guère perçu les do dièse et ré plurimillénaire, 18 000 ans exactement, cela vaut sûrement bien une réécoute. Bon, ce n'est ni les fameux corps des Alpes suisses ou du Tyrol, ni les trompes radongues du Tibet. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cela évoque-t-il pour vous, Marcelotte? Oui, pour moi, c'est évidemment une découverte importante, puisqu'on a trouvé ça dans des réserves. Il faut toujours respecter ces réserves. D'un autre côté, on sait qu'il y avait de la musique au paléolithique, puisqu'on a retrouvé dès le paléolithique moyen des traces d'instruments de musique, qu'on appelle l'organologie. Et puis, il y a des flûtes des Lauriniens, il y a un orchestre, même à Mézine, en Ukraine, avec des racleurs, des tambours, etc. Donc, le fait qu'il y ait des instruments de musique ne fait aucun doute. L'intérêt, évidemment, dans le cas de Marsoulas, c'est qu'il est associé, cet instrument, aux peintures rupestres. Donc, on peut imaginer qu'il y avait un temple, et donc des rituels qui étaient réalisés dans la grotte. Et entre parenthèses, les peintures qui se trouvent dans cette conque sont très analogues, du point de vue stylistique, aux peintures que l'on trouve sur les parois. Donc là, on a une sorte d'orchestre qui était réalisé, ou d'opéra même, avec à la fois le son, les peintures, et en même temps les rituels qui se passaient devant. C'est évidemment important de le prouver, mais il est tout à fait logique que ça ait toujours existé, peut-être même depuis les origines de l'homme. On n'imagine pas une humanité complètement achevée sans qu'il y ait de musique, sous quelque forme que ce soit. Il n'est donc pas nécessaire pour moi d'avoir des preuves organologiques, mais bien simplement d'avoir une preuve de l'humanité pour que, par conséquent, il y ait une musique. Il ne faut pas oublier non plus que la plupart des musiques sont vocales, ou bien sont accompagnées de danses, qui vont ne laisser aucune trace. La plupart des instruments de musique actuels, d'ailleurs, sont faits en matière végétale, donc il n'y aurait aucune trace qui soit préservée. C'est une belle découverte, évidemment. Il y a aussi la fameuse sculpture de la Dame de l'Ocel, vieille d'environ, on va dire, 22 000 ans à peu près, qui tient une sorte de corne. Oui, évidemment, on pourrait la considérer, cette sculpture, comme étant une représentation d'instrument de musique. On l'a interprétée aussi comme un racleur, qui est aussi un instrument de musique. C'est-à-dire, lorsqu'on a une corne qui est donc évidée et qui est creuse, et que l'on racle sur le côté où il y a de profondes encoches, alors ça fait un bruit peut-être pas très joli, mais enfin très impressionnant aussi. Dès que nous sommes dans une grotte, elle va résonner. Alors, comme le dit un préhistorien marin breton, cette trouvaille sonore est avant tout une découverte iodée, montrant que l'océan étend ses tentacules très loin dans les masses continentales. C'est aussi ça, c'est aussi des liens avec la côte, une côte qui a totalement disparu de nos jours. Oui, on peut dire ça, évidemment, d'autant plus que la conque elle-même, en tant qu'instrument, doit venir de quelque part dans les côtes atlantiques. Donc il devait y avoir des contacts. Donc ça, on le savait, par toutes sortes d'indices, on sait qu'il y a des contacts lointains avec la côte atlantique. Mais attention, les côtes à cette époque-là et à cet endroit-là, dans la région de Bayonne, par exemple, n'étaient pas très différentes de celles d'aujourd'hui. Lorsque la plateforme continentale a été exondée durant la glaciation, il s'agit plutôt de la région de Normandie ou de Bretagne, entre Bretagne et Irlande, par exemple. Tandis que les côtes, là, dans le Pays Basque actuel, sont plutôt raides, donc verticales. Et donc les différences n'étaient pas très grandes quant à la plateforme continentale dans cette région-là. Mais évidemment, elle devait venir de la mer, cette conque. Marcel, on avait aussi évoqué une des flûtes très anciennes, celle d'un néandertalien slovène. Et puis je crois que pour finir, on y a vu plutôt des crocs de hyène dans un os. Non, oui, certes, il y a eu une controverse assez vive, évidemment, mais pour moi, j'ai étudié à plusieurs reprises, il ne fait pas de doute que c'est humain, l'activité est humaine, qu'elle est bien datée, de 60 000 ans quand même, et que c'est un instrument de musique, les comparaisons le prouvent avec, en tout cas pour moi, avec conviction, oui. Donc il n'y a pas de raison de retirer l'aptitude à la musique au néandertalien, pas plus que le reste. Marcel, revenons à notre sujet. Qu'est-ce que l'humanité ? Voici une question qui taraude philosophes, anthropologues et préhistoriens. Les uns y ont vu l'outil Homo faber, d'autres la station debout. Pour vous, l'humanité a quitté les lois de l'évolution biologique dès ses origines, une sorte de Prométhée avant l'heure en quelque sorte ? Oui, c'est-à-dire que pour moi, c'est la pensée, plutôt la conscience qui est la définition d'humanité. Et donc il a fallu que l'homme ait décidé de quitter la forêt, la zone forestière, pour qu'il devienne lui-même. Je ne crois pas du tout à une modification environnementale pour provoquer un tel changement. Il faut voir aussi que marcher sur ses deux pieds, sur ses deux pattes arrière, implique une évolution biologique beaucoup plus ancienne, donc avant 10 millions d'années, parce que le pied humain est tout à fait particulier par rapport aux autres primates. Nos orteils sont alignés les uns par rapport aux autres, et c'est ça la caractéristique principale sur le plan anatomique. Donc il a fallu très longtemps, certainement beaucoup plus... plus que de quelques millions d'années. Donc c'était antérieur à 10 millions, à mon avis. Et puis, à partir de là, donc il y a eu l'audace de quitter la zone forestière, et à partir de là, de concevoir un équilibre entre nature et culture tout à fait original, tout à fait nouveau. Et c'est pour ça que je pose l'activité de la conscience toujours en défi, soit avec les critères anatomiques, les contraintes anatomiques et les contraintes environnementales. Et c'est ça, la démission de l'humanité, ne fût-ce que se trouver chez nous, là où nous sommes, à Paris ou à Liège, implique une composante culturelle beaucoup plus forte qu'une composante biologique. Oui. C'est-à-dire que vous êtes même enclin à penser que nous aurions trop étudié les lois de la biologie chez l'homme au détriment de ce qui fait l'essence même de celui-ci ? Oui, bien sûr, oui. Il y a aussi une question d'hiérarchie des sciences. Ne cachons pas que la biologie, les sciences naturelles sont toujours un peu considérées comme les sciences mères en matière d'humanité. Je ne crois pas du tout. Je pense que si il s'agit d'humanité, alors il s'agit d'évolution de la conscience. Et on a donc eu tendance à rejeter des approches philosophiques ou d'histoire de l'art ou d'histoire tout court, d'histoire des religions, alors que c'est quand même la nature de l'humanité. Comme je l'ai mis d'ailleurs au début de ce petit livre-là, j'ai repris Buffon qui dit que si on étudie l'homme, il faut inclure tous les aspects spirituels, mais pourquoi pas dans son anatomie, lui-même, dans sa évolution. Je pense que c'est la caractéristique humaine, mais on en a peur parce que c'est difficile à appréhender de manière numérique, de manière technique, et on tend à esquiver. Mais je pense qu'on doit maintenant, aujourd'hui, travailler en termes anthropologiques et structuraux, montrer que l'humanité est à la fois biologique et à la fois culturelle, et donc c'est ça l'agent principal de son évolution. Oui. Vous écrivez, à chaque étape de l'évolution culturelle, on observe les mêmes schémas de changement selon un mécanisme analogue. Quel est donc ce mécanisme ? Ah oui, le mécanisme lui-même, c'est une pulsion, je pourrais dire. C'est une tendance qui traverse toute l'humanité depuis donc 10 millions d'années et qui nous traverse toujours aujourd'hui d'ailleurs. Elle est toujours dans la même direction, c'est-à-dire de surmonter des contraintes, surmonter des défis. Par exemple, si nous allons sur la Lune, ce n'est évidemment pas par un déterminisme environnemental. Ce sont des défis qu'on s'impose. C'est le fonctionnement de la conscience qui impose là. Et elle, c'est toujours elle-même, en effet, parce que de manière tout à fait indépendante, quel que soit le point de la Terre que l'on observe, on voit qu'il y a une même succession. Par exemple, le feu précède l'outil, l'outil précède la sépulture, l'art ensuite, l'agriculture enfin, puis l'écriture, tout à fait. À la fin, donc, on a des choses indépendantes et qui pourtant rythment une évolution tout à fait parallèle. Ça me paraît fort, fort important, oui. Donc l'esprit, l'audace, seraient les clés de notre évolution ? En tout cas l'esprit, oui. L'esprit lui-même étant contraint par le milieu, il va chercher à se soulager, entre guillemets, se soulager soit du milieu social, soit du milieu naturel, et c'est là où on voit apparaître les innovations, oui. Pour autant, nous ne sommes pas dans un phénomène linéaire, car nous ne parlons jamais des tentatives de ces innovations avortées, car totalement inappropriées à leur époque. Oui, bien sûr, c'est un peu le propre de l'archéologie, c'est une des déficiences, c'est que nous ne possédons pas ce qui n'a pas réussi. On peut prendre n'importe quelle invention, par exemple prendre le cas de Léonard de Vinci, ou qu'il invente le vélo ou l'hélicoptère, bien à cette époque-là, ça disparaît. Ce sont mais on peut reporter ces inventions de Léonard dans le temps, dans une centaine de milliers d'années, et voir que tout compte fait, il devait y en avoir beaucoup d'autres. Mais on enregistre en archéologie et en paléontologie que ce qui a réussi, parce que ce qui a réussi détermine l'évolution ultérieure. En même temps, il laisse des traces matérielles, donc nous pouvons étudier. Ce qui n'existe pas, ce qui n'a pas abouti, n'existe pas. Sur le plan phénoménologique, on n'a aucune prise dessus. On peut l'imaginer, mais ça n'a guère de signification. Les échecs, comme les tout premiers moments des innovations, sont particulièrement difficiles à entrevoir, bien sûr, pour les préhistoriens. Vous avez quelques exemples Non. Précisément, on ne le connaît pas. J'ai pris la comparaison avec des inventions que l'on connaît, comme celle de Léonard ou celle de Galilée, par exemple, des choses que l'on connaît par l'histoire, mais qui ne sont pas réalisées. Donc c'est celle-là. Je pense que toutes les innovations, pour répondre autrement à votre question, les innovations, par exemple, des Néandertaliens, n'avaient aucune chance de succès parce qu'elles n'étaient pas appropriées au milieu néandertalien tel qu'on l'avait, on l'a conçu et connu. Donc, tout ce que l'homme moderne aurait pu apporter aux Néandertaliens avant qu'ils ne rentrent en contact a disparu. Je suis persuadé que les capacités étaient là, chez les Néandertaliens étaient totales, mais elles n'avaient pas d'importance puisqu'elles n'entraient pas dans leur système social ou dans leur système de valeurs. Et donc là, elles disparaissent automatiquement. Alors on peut parler peut-être quelques instants de la poterie, de ces terres cuites trouvées notamment dans les pays d'Europe de l'Est, tout à fait extraordinaires, très très anciens, durant la préhistoire, et qui vont disparaître ensuite. Ah non, je ne crois pas. C'est-à-dire que l'allusion que vous faites là, elle concerne des œuvres d'art. Ce n'est pas de la poterie, ce n'est pas de la céramique au sens utilitaire. Donc ce sont des œuvres d'art qui, justement, parce qu'elles sont empreintes de spiritualité, permettent un défi, à nouveau, un défi de se dire, on modèle une forme que l'on souhaite dans l'argile qui, elle n'a pas de forme, inconsistante, et on la cuit, par conséquent, elle devient figée. C'est une sorte de magie, puisque on passe de quelque chose d'amorphe à quelque chose de définitivement qu'on conservait tel quel. Et là, la magie, elle s'applique exclusivement aux objets d'art et donc des rituels. Tandis que la céramique, elle n'apparaît que avec la sédentarisation, parce que simplement une poterie est lourde et cassante, donc elle n'intéresse absolument pas les peuples nomades, bien qu'ils soient capables de le faire. Ils peuvent le faire en quelques mois, puis l'abandonner sur place. Mais à partir du moment où ça n'a aucun sens de transporter un matériau lourd, un contenant difficile et fragile, bien ce n'est pas réalisé. L'invention, entre guillemets, disparaît. Alors j'ai bien sûr essayé de chercher de mon côté des exemples. J'en ai trouvé un, le sociologue Roy Lewis, en donnant un très bel exemple avec la domestication de l'hyparion, l'ancien ancêtre du cheval, dans Pourquoi j'ai mangé mon père, un livre absolument capital qu'il faut vraiment que tous les auditeurs lisent. Ce qui définit l'homme, c'est avant tout créer ce qui n'a pas encore été fait, et notamment l'impossible pour vous. C'est ça, c'est défier l'impossible. Je parlais de la Lune tout à l'heure, qui est vraiment l'exemple clair, mais vous pouvez voir, par exemple, les Esquimaux ou toutes les populations qui sont en marge de la zone habitable par l'homme, simplement en marge des zones tropicales, sont installées, par exemple, sur la banquise, alors que rien ne les détermine à aller là-bas, aucune force environnementale. C'est évidemment un défi. Pousser vers ce qui est impossible, ce qui n'a jamais été fait, et qui, justement, pour cette raison-là, fait partie de l'aventure humaine. Je vous propose de prendre quelques événements capitaux, preuve de notre esprit tentant l'impossible. J'avais parlé bien sûr du feu à travers Prométhée. La recherche de la symétrie dans certains outils, ce que l'on appelle les bifaces, est-elle un moment important de notre évolution, de notre pensée, de nos aptitudes conceptuelles? Oui, je dirais oui et non, parce qu'il est évident qu'avec les bifaces et bien d'autres outils, d'ailleurs, on voit que la symétrie existe et qu'elle est recherchée systématiquement, répétée, oui. Mais c'est une preuve un peu tardive, puisqu'il est certain que cette symétrie, cette esthétique, était cherchée. Ce que nous avons, donc, comme on reprenait tout à l'heure, pour ce qui a disparu, eh bien, ce qui est préservé prouve que ça existe à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que ça apparaisse à ce moment-là, ce souci de symétrie. Il peut y avoir mille autres formes de symétrie ou de recherche esthétique, mais qui étaient faites dans tout autre matériau que celui qui persiste, comme le silex. Alors, ces bifaces, quand même, très symétriques, ils ont 1 million d'années, c'est énorme. Oui, plus que même, hein, en Afrique centrale et orientale, c'est 1,4, 1,5, c'est sûr, c'est d'autant plus important, vous voyez, qu'il y a guère de fonctions techniques spécialisées. On pourrait utiliser un peu à n'importe quoi, biface, c'est-à-dire éventuellement à rien du tout, simplement à la beauté de cette pièce. Vous savez sans doute qu'en Syrie, mon ami Jean-Marie Le Tensorer a trouvé des centaines, voire des milliers de bifaces qui n'ont jamais servi. Simplement, c'est pour la beauté et pour la symétrie, justement. Ce sont des défis lancés à la pierre. Marcelotte, peut-on parler de la naissance de l'au-delà, ou du moins de la conscience de l'au-delà? Oui, on peut dire que dès qu'il y a conscience, comme vous dites, il y a une conscience de ce qui n'existe pas. C'est ce qui est à l'origine des mythes, par exemple, de la mythologie, ou même la notion de vérité, la notion de sacré est liée à la conscience. Tant qu'il y a une faculté de penser, il doit y avoir en compensation, une aptitude à définir ce qui ne peut pas être compris par la conscience, ce qui n'est pas compris est du domaine du sacré. Donc à partir de là, on va développer une série d'actes mythologiques qui expliquent pourquoi l'homme est là. Il est très absurde pour l'humanité d'exister dans un monde qui ne serait pas expliqué. Pour tout le reste, pour le feu, ou pour la taille, ou pour l'économie, il y a une explication. Mais pour ce qui concerne l'existence même, pourquoi on est là, il devait y avoir des explications métaphysiques. Bon, je ne retire pas l'homme paléolithique. Les notions métaphysiques, même les plus anciennes. Et donc, parmi la métaphysique, se trouve aussi non seulement la conscience, mais la disparition de la conscience. Et on voit apparaître des tas de traces, comme par exemple la conservation du crâne ou la conservation de certains ossements, même animaux, qui sont préservés. Ça signifie que les ossements ainsi inhumés sont protégés de la dégradation naturelle, comme si l'homme défiait la dégradation et donc défiait le temps. C'est ce qui apparaît au moins une centaine de milliers d'années. Il ne faut pas oublier que dans les sites d'Espagne, on remonte à 380 000 ans pour protéger une série d'individus. Donc c'est sûr que le développement de la conscience implique ce qui échappe à elle et donc cherche à être maîtrisé par elle aussi. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Marcelotte, il y a 40 000 ans, l'homme moderne bouleverse l'humanité par l'inversion des valeurs qu'il instaure avec la nature. Que se passe-t-il? Oui, c'est assez remarquable, hein, puisque nous rentrons maintenant dans l'ère moderne, des 40 000 ans. L'ère moderne, c'est-à-dire, comme vous le laissez entendre, c'est-à-dire qu'on a brisé les liens naturels. Pendant des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, on ne remarque pas une destruction de la nature. Mais tout à coup, entre guillemets, ça dure quand même quelques milliers d'années, ce passage, on voit apparaître des populations complètement différentes, avec un système de valeurs complètement différent, et qui vont chercher à surmonter la nature. Par exemple, ils vont représenter l'animal qu'ils chassent plutôt que simplement l'abattre. Ils vont se substituer une image à l'animal lui-même. Ça, c'est évidemment une audace extraordinaire. Et ça, ça s'est passé avec des populations qui viennent d'ailleurs, hein, qui ont une évolution anatomique tout à fait indépendante de ceux qui restaient sur place, et ils arrivent en contact. Je pense que là, le contact a été un traumatisme énorme pour les populations qui étaient là depuis au moins 300 000 ans. Quoi. Donc, avec l'art, l'image serait la rivale de la nature. Elle instaure une sorte de décalage qui reflète la libération de l'homme sur les lois de la nature. Oui, c'est important de voir que ce n'est plus l'animal en soi. Je viens de faire allusion aux sépultures néandertaliennes, par exemple. Et on voit apparaître dans les sépultures des traces, des signes de l'animalité. Par exemple, des bucranes, donc les cornes ou les ramures de cervidés. Et là, on voit bien que l'animal est pris tel quel, dans sa réalité. Alors tout à coup, avec l'homme moderne, on voit apparaître des images, c'est-à-dire une substitution de ce qui était le plus important. Ce n'est plus l'ossement lui-même qui apparaît, mais c'est l'image de cet ossement qui est beaucoup plus important puisqu'elle témoigne d'une emprise, d'une audace sur la nature. Une petite parenthèse à ce sujet, lorsque vous parliez de l'hyparion à l'instant, je suis convaincu que les hommes modernes sont apparus aussi avec la maîtrise de certains animaux. On a prouvé depuis quelque temps déjà la maîtrise du loup, qui devient un chien à cette époque. Et je suis persuadé que c'est aussi à ce moment-là qu'apparaît la monte des animaux, et qui permet ainsi d'inféoder l'animal rapide au déplacement d'humanité, ce qui expliquerait la rapidité de cette expansion de l'homme moderne. Donc la domination du monde sauvage par l'homme serait une domination toute symbolique au travers de l'art. Oui, elle est symbolique et en même temps matérielle, puisque je rappelle que les outils et les armes sont faits également en matériaux animaux à partir de ce moment-là. Alors que pendant des centaines de milliers d'années, jamais on a vu un seul objet fabriqué à partir de ce moment animal, tout à coup on le voit utilisé de manière abondante. Non seulement on récupère des ossements sur l'animal, mais en même temps ces ossements sont utilisés pour tuer d'autres animaux. Ça me paraît vraiment une action fondamentale qui inverse les rapports de l'homme à la nature au même moment donc où les animaux sont aussi représentés. Avec la fin du Pléistocène et des temps glaciaires, le paysage se transforme. Les sociétés mutent. Nous voici au cœur de la période mésolithique, période clé pour vous, Marcelotte. Oui, c'est une sorte de sortie du paradis terrestre, comme j'ai indiqué là-bas. Et tout à coup, les rapports s'inversent. Et j'insiste sur le fait que ces rapports s'inversent avec la nature avant qu'il y ait domestication au sens biologique, au sens économique du terme. Il faut qu'il y ait eu l'image de l'homme, et non plus d'image animale, pour que tout à coup, on voit apparaître la sédentarisation et la tendance à la reproduction organisée de l'alimentation, soit par les céréales, soit par les ovicaprins, soit par les bovidés. Mais ceci est précédé par le mésolithique, exactement comme vous venez de le dire, qui est vraiment la période de bascule d'un monde à l'autre, d'un monde de prédateurs à un mode de production. Et c'est là où tout change, effectivement. Et j'insiste sur le fait que c'est antérieur au néolithique, et une fois de plus, parce que ça montre que la conscience, elle, s'est mise en opposition à la nature bien avant que la domestication ait lieu. Donc c'est d'abord une révolution conceptuelle, comme l'annonce d'ailleurs l'Ancien Testament. C'est assez intéressant de voir que ça correspond assez bien à ce qui se passe dans les textes sacrés. Le néolithique reste quand même une vraie rupture. Ce néolithique, c'est bien entendu la création d'un nouveau rapport à la nature, la maîtrise et la domination de l'homme sur celle-ci, et donc l'adoption d'une nouvelle économie contre nature, vais-je dire. Oui. C'est-à-dire que le néolithique, c'est l'accomplissement du mésolithique, de manière assez logique. C'est-à-dire que là, on le voit apparaître de manière très nette, parce que les données archéologiques sont tellement nouvelles et tellement bouleversantes qu'on ne peut plus en douter de ce bouleversement. Mais je pense quand même que la maturation s'est faite dans la période précédente. Là, c'est sûr que c'est le début de la fin, si j'ose dire. Il nous faut alors évoquer justement la Genèse, chapitre 1, verset 8. « Assujettissez la terre et dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui se meut sur terre. » Marcelotte, la messe est dite, vais-je dire. Oui, c'est l'Ancien Testament. Mais attention, j'ai souvent utilisé l'Ancien Testament pour reconstituer des situations préhistoriques, en effet. Mais je ne vais pas accabler l'Ancien Testament, mais il me semble que ce texte très stimulant, ne font pas que donner des ordres, hein, comme on le cite ici dans la Genèse, mais plutôt reflètent un certain état d'esprit. C'est comme si on avait une sorte de préhistoire écrite dessus, si j'ose dire. Donc je pense que si on écrit ces textes-là dans l'Ancien Testament, c'est parce que, effectivement, l'humanité était déjà en train de le faire. On a simplement enregistré ce qui se passait. Ce n'est pas un ordre divin, à mes yeux, c'est simplement un reflet de ce qui se passe. Marcelotte, pensez-vous que nous soyons toujours déterminés par notre lointain passé, celui de la préhistoire ? Oui, ça c'est évidemment la clé que j'essaie de dégager à la fin de ce livre, c'est que puisque nous connaissons la préhistoire, on doit assumer notre connaissance actuelle et montrer qu'il y a eu précisément un travail de la conscience au fil du temps pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous comprenons bien, plutôt que simplement le documenter, plutôt que le connaître, il faut le comprendre. Et si nous comprenons, on peut enclencher un phénomène en sens inverse. Le savoir permet de nous dégager de la détermination historique et de dire que nous pouvons aussi, nous, diriger notre propre évolution à partir de maintenant. La conscience de notre trajectoire est la meilleure façon de nous comprendre et de nous donner l'occasion d'infléchir sur le cours des choses, puisque aujourd'hui nous sommes dans un univers où tout change, notamment le climat et l'environnement, lié bien sûr à cet anthropocène et à ce fameux néolithique. Oui, je peux te dire qu'il y a deux aspects. On peut comprendre, effectivement, voir tous ces phénomènes, ces processus enclenchés les uns par les autres au fil de très longues périodes, ça c'est une chose. Il faut comprendre ce qui s'est passé et pourquoi nous en sommes là à détruire, effectivement, non seulement l'environnement, mais à se détruire soi-même. Ça c'est une chose. En même temps, si la trajectoire est toujours la même, ce que je pense pouvoir démontrer, on peut donc l'inverser. Et j'en arrive maintenant à une notion éthique que doit assumer la préhistoire si elle veut vraiment être accomplie dans toutes ses potentialités. C'est que nous sommes devant une responsabilité, car maintenant nous savons ce qui s'est passé dans le passé et que nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. C'est une responsabilité actuelle dans laquelle la préhistoire nous place. C'est-à-dire que nous devons savoir ce qui s'est passé afin de pouvoir modifier ce qui va se passer. Marcelotte, très rapidement, que doit-on faire ? Créer un nouvel âge en harmonie avec les autres formes d'existence ? Cela ne va pas à l'encontre de ce qu'est déjà l'humanité ? En 10 secondes, merci. Oui, il y a deux manières de répondre. Je dirais qu'il y a le pessimisme qui dit ben, c'est terminé, on ne peut plus changer. Et donc l'humanité va disparaître, puisqu'elle a toujours été comme ça. Ou bien alors, on dit non, on peut encore avoir une certaine réaction contre ce déterminisme et réagir. Je ne donnerai pas ma position personnelle, mais les cartes sont entre nos mains. Marcelotte, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, « Sommes-nous si différents des hommes préhistoriques ?» publié aux éditions Odile Jacob. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Julien Calvas. Et bien entendu, avec Sandrine Chaperon, vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, où vous retrouvez plus de 300 archives sur le site inrap.fr.